longue bataille, eh bien, on va dire, de l'expression de la souveraineté pure et simple de la race noire du continent africain, mesdames. Bonsoir, monsieur, merci de nous retrouver au cœur de cette édition du débat panafricain qui s'ouvre sur votre télévision panafricaine avec notamment en trame de fond la question des questions davantage de souveraineté. Eh bien, nous y allons pour évoquer le cas malien et surtout celui burkinabé. Il faut dire que depuis l'arrivée aux affaires du colonel Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, on observe une véritable synergie d'action qui laisse voir et entrevoir une volonté manifeste de s'opposer farouchement à toute forme de déstabilisation, comme le Mali, le Burkina Faso a donc fait fermer les voies de l'impérialisme qui résonnait encore sur son territoire. RFI, France 24, pour citer que ces médias-là ont été purement et simplement fermés, comme le Mali et le Burkina Faso a choisi de défendre son territoire contre les incursions des mouvements terroristes. Ainsi, les deux pays ont fait appel aux équipements militaires russes afin d'équiper leurs armées respectives. De leurs armées respectives comme le Mali, le Burkina Faso est donc dans une véritable démarche de quête de leur souveraineté. Les deux pays ont d'ailleurs entrepris des démarches communes en vue de la mutualisation de leurs efforts à tout point de vue. Cette alliance stratégique contre les dérives de la CEDEAO et même de l'ONU est-elle efficace pour vaincre la prédation occidentale? On en parle dans le cadre de cette édition du débat panafricain. Et puis en seconde partie des questions donc d'égyptologie, on évoquera notamment la question de l'Égypte antique avec une histoire tronquée par les Occidentaux. En tout cas, les faits les plus récents laissent voir une véritable manœuvre occidentale pour faire passer notamment un certain nombre de valeurs de l'Égypte antique, cette civilisation qui a bercé en tout cas l'humanité jusqu'à ce jour, une espèce donc en tout cas de réappropriation de la richesse de cette Égypte antique au profit d'une race souveraine, dit-on. Par rapport à l'autre, on rétablira les faits historiques notamment de ce qu'a été véritablement l'Égypte antique avec notamment le concours de nos imminents panélistes qui nous permettront de voir clair autour de ce véritable fait d'actualité. Voilà pour les sujets, les débats dans un instant. Le monde, c'est nous. D'être à notre compagnie dans le cadre de cette édition du débat panafricain, ils seront quatre autour de moi pour nous permettre de voir clair dans le labyrinthe de ces différents sujets retenus sur la table des débats. Le tout premier, il nous retrouve, ça fait un bon moment, on ne l'avait pas reçu sur ce plateau, le docteur Basilikine qui est à nos côtés. Bien le bonsoir, papa, bienvenue. Merci une fois encore de m'appeler au débat qui nous met en contact, qui nous permet de nous réapproprier certaines des choses qu'on a voulu arracher à l'Afrique et qui, par la force de l'histoire, reviennent à la surface de ce que nous vivons au jour le jour. Merci à nos nombreux téléspectateurs, parce que vous savez, quand on reçoit un appel téléphonique, quelqu'un vous dit « je vous appelle de l'autre bout du monde », ça fait vraiment plaisir parce que Afrique Média, c'est le monde qui est vraiment le nôtre. Nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment le monde. Et nous restons avec vous pour évoquer ce sujet d'accueil, notamment avec cet attentat qui a eu lieu en tout début de semaine, qui a donc visé le Kremlin. Le président Vladimir Poutine pourra-t-il déclencher du moins une véritable frappe nucléaire pour essayer de répondre aux ennemis de son pays? On essaie effectivement de se poser la question, en tout cas du côté du Kremlin. Le président Vladimir Poutine avait été clair, si une menace viendrait notamment à porter porter atteinte à l'existence de son pays, il n'aura pas autre choix que de s'en servir pour défendre davantage son pays face au complot occidental qui ne cesse véritablement, on va dire, de nuire à l'évolution de la Russie. Est-ce qu'on va y arriver à votre lecture, docteur Basilikine, jusqu'à l'expression des armes nucléaires? Écoutez, un chef d'État a pour mission principale de sauvegarder les intérêts de son pays. Et M. Poutine est un chef d'État comme les autres. Quoique on essaye de nous montrer que l'intelligence, c'est en Occident, et que sortie de l'Occident, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Moi, je pense qu'effectivement, si on continue à titiller M. Poutine, il va faire comme tout chef d'État responsable, il va défendre les intérêts de son pays. Et si cette défense-là devait passer par, malheureusement, le recours à une arme véritablement destructrice, eh bien, naturellement, on y arrivera. Mais je suis personnellement optimiste. Je sais que, par bonheur, M. Poutine n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un, c'est un chef d'État, c'est un monsieur qui a reçu une éducation, qui a un cœur, qui a des sentiments comme chacun de nous, et que avant de recourir à cette forme de défense ultime, eh bien, M. Poutine va essayer d'autres moyens qui doivent préserver l'humanité. Vous savez, les armes telles qu'on les a aujourd'hui, on est capable de décimer la moitié, les trois quarts, les deux cinquièmes de l'humanité en un rien de temps. Par conséquent, j'espère premièrement que monsieur, on sait comment se protéger au Kremlin, ensuite on sait comment protéger la Russie, et enfin on sait que les ennemis de la Russie méritent eux des ripostes appropriées. Bien, si on provoque la Russie précisément pour qu'elle réagisse, elle réagira fatalement. Et malheureusement, c'est les provocateurs qui en seront pour leurs frais. Mais en l'état actuel des choses, j'ose espérer que nous n'en arriverons pas là, parce que M. Poutine, c'est un monsieur, c'est quelqu'un, c'est un humain qui réfléchit, qui sait où est l'intérêt de l'humanité aujourd'hui, alors que nous savons qu'au contraire, en face de lui, nous avons le libéralisme absolu, c'est-à-dire que c'est l'argent, c'est les richesses matérielles qui sont la valeur suprême, et cette valeur suprême, une fois qu'une petite moitié, qu'un petit groupe de la société se l'est approprié, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. J'espère qu'il n'en sera pas de même avec la Russie, parce que la Russie a aujourd'hui une mission salvatrice de l'humanité, parce que nous avons tout le monde contre les vrais hommes, et parce que l'Occident, ce n'est pas des hommes, hein, c'est, je l'ai dit, ce sont des libéraux, et chacun sait ce que signifie le libéralisme. En conséquence, j'espère que Dieu se servira de M. Poutine pour préserver l'humanité, parce que l'humanité n'a pas encore fini de faire la mission pour laquelle elle a été créée sur Terre. Merci. Merci infiniment à vous, docteur Basilikine. Le second invité sur ce plateau, Betra Tatinda, analyste politique, membre du nouveau mouvement populaire au Cameroun. Un réel plaisir que de vous avoir une fois encore ce dimanche. Bienvenue à vous. Bonjour, Betra. Bonjour, Fabrice. Je suis très content d'être là, invité par vous. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à Papa Basilikine. Vous présenterez mes copanélistes qui sont très chers pour moi. Bonjour avec mille excuses à nos téléspectateurs pour le retard. La pluie de Douala a été terrible. Terrible. Et une fédération qui a organisé des jeux de skateboard, je sais pas, on a. Donc, bref, l'accès à Afrique Médiale était difficile. Nous demandons aux Camerounais de continuer de se mobiliser. C'est-à-dire que dès demain, de pouvoir s'y rendre en nombre, chaque Camerounais, une plus Camtel. En même temps. Nous demandons à Camtel, rapidement, dès la semaine prochaine, de pouvoir tenir une puce à la disposition de tous les Camerounais. C'est-à-dire que nous avons comme l'impression que les deux grandes chaque société de téléphonie mobile, Orange et MTN, il faut donner les noms, nargue davantage les Camerounais. Le service est de plus en plus médiocre. Et la ministre, qui est ministre de la République, du Cameroun, pour défendre les intérêts télécommunicationnels camerounais, qui ont été confiés par le président de la République, ne peut pas se transformer en porte-parole de MTN et d'Orange. Ne peut pas se transformer en porte-parole de MTN et d'Orange. Elle était sur la télévision nationale, elle donnait plus l'impression d'être porte-parole de MTN et Orange. Elle promettait. Elle donnait même l'impression que elle se surprenait d'être ministre des télécoms. C'est-à-dire que ce jour, Madame Libon Iken a été surprise que, ah, je suis ministre, je suis ministre. Donc, c'est assez embêtant. Oui, le service Blue a quelques défaillances, c'est vrai. Camtel a quelques manquements, c'est vrai. J'ai presque envie de dire, un peu comme cette chanson de supporter, qui n'a pas une puce Blue n'est pas camerounais. Tous, dès la semaine prochaine, lundi. Je monterai ma puce ici, je donnerai même mon numéro de téléphone ici, de Blue, ceux qui veulent souvent me joindre, qui espèrent me joindre, et il n'est pas exclu que nous fédérons ce mouvement au niveau africain. Parce que des gens m'écrivent du Togo et disent, mais c'est pire ici au Togo. Des Sénégalais nous écrivent, des Ivoiriens, des Maliens. Donc, pourquoi ne pas voir dans quelle mesure on peut lancer un mouvement de boycott à l'échelle africaine ? Et même au-delà de l'Afrique, parce que des gens sont solidaires en France et dire que si c'est ça qu'ils font chez nous, eh ben, nous jetterons cette puce ici chez nous en Afrique. Donc, ils peuvent narguer le monde, ils peuvent jouer les torses bombées, on verra bien. Donc, chers Camerounais, mobilisons-nous, préférons-nous d'abord, allons chez notre opérateur national Camtel, une puce Blue. Dès lundi, il est hors de question pour Camtel de nous dire que c'est dans 2-3 semaines qu'il y aura possibilité d'avoir les puces. Nous voulons des puces dès demain. 25 millions de Camerounais, 25 millions de puces. Chaque Camerounais doit être identifié à partir d'un numéro Blue Camtel. Après, on passera à ce qu'on veut appeler la Blue Money. De vider des comptes ailleurs où des gens sont venus prendre des licences de téléphonie et sont devenus des banques. Voilà. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Vous venez avec une licence de téléphonie mobile, vous devenez boutique, bar, banque, à la limite même, je ne sais pas trop, vous ne participez à rien à la construction du pays, vous ne construisez rien du tout, vous ne financez même pas le mouvement sportif et vous vous prenez vraiment pour vous narguer la terre entière. Donc, mot de avion, comme toujours, et tous demain devant les bureaux Camtel, services commerciaux, les services commerciaux de Camtel, pour se prendre une puce Blue. D'accord. Revenons sur le sujet d'Akel Bertrand Tatida à votre niveau. Qu'est-ce qu'on sait davantage de cette tentative donc d'assassinat qui a visé Moscou? Eh bien, on sait que c'est Washington qui était derrière. Que ce sont les États-Unis qui soutiennent déjà à bout de bras et se posent de plus en plus de questions. Où est-ce qu'ils doivent, jusqu'où ils doivent continuer à soutenir un clown, un Tintin, quelqu'un qui sait plus ce qu'il fait, quelqu'un qui a perdu une ville, Bakhmoun est pris pour moi depuis 4 mois, et qui décide d'envoyer de la chair à canon pour faire plaisir à 3-4 généraux américains qui disent on tient Bakhmoun. Donc, vous ne tenez plus Bakhmoun. Quand on tient une ville, on s'y balade. Quand on tient une ville, on parade dans la ville. Quand on tient une ville, on monte ses positions dans la ville. On dit on tient la ville, voici les positions. On invite la presse, on dit on tient la ville. Et vous avez des gens, il fait le tour du monde, il va en Finlande, il va aux États-Unis, se balade, il ne sait plus. Mais il continue à recruter de jeunes enfants européens contre leur gré, des enfants ukrainiens qu'il envoie à ses boucheries. L'histoire retiendra. Il parle d'un tribunal pénal. Vous savez, les tribunaux pénaux, ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui ont raison. Il y aura forcément un tribunal pénal. Forcément. Parce qu'avant d'en arriver là, c'était sans doute l'homme le plus corrompu de la planète, le gouvernement le plus corrompu du monde. Je lisais encore quelques rapports de l'Union européenne qui expliquaient que même avant 50 ans, 70 ans, 75 ans, l'Ukraine ne peut pas faire acte d'adhésion à l'Union européenne. C'est une mafia. C'est Al Capone. C'est-à-dire que c'est un médiocre clown, un triste personnage. Et c'est une véritable honte, honte pour certains Africains de vouloir même donner l'impression qu'on puisse accorder du crédit à un individu qui se balade avec le caleçon, la guitare et qui s'appelle chef d'État. Le président Banda nous dit souvent et me dit souvent, tu sais Bertrand, moi, un chef d'État, ça a une posture. Un chef d'État, ça a l'amour de son pays, ça a un projet, ça élève le niveau de vie des gens. J'appellerai plus chef d'État des mercenaires et des rigolos. Moi, j'appelle, toi, Bertrand, appelle chef, mais moi, j'appelle. Mais souvent, je trouve qu'il est dur. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait quand, si une population décide de prendre. Il y a un pays là en Afrique où c'est un djoké, un ancien djoké, un petit mercenaire. En Gambie. Oui, en Gambie, un monsieur comme ça. Il est monsieur chef d'État. Mais il se balade avec des gants du roi, il dit qu'il est chef d'État. Moi, monsieur Tatsinda, je préfère dire que oui, il est chef d'État. Et à critiquer au moins son action. Président Banda me dit, monsieur Tatsinda, pour moi, il n'est plus chef d'État. Et on en a plein. On a même un qui est à la tête de la CEDEAO en ce moment, qui se balade un peu et qui explique qu'il est aussi chef d'État. Pourtant, il est plus gestionnaire d'un pays gangréné par le narcotrafic, autre chose. Donc, nous, mais Poutine avait expliqué qu'il faut faire attention avec la Russie. Parce que tous ceux qui vont vouloir s'attaquer à l'existence de la Russie. Tout à fait. Quand la Russie va pressentir une menace existentielle, la Russie se défendra. Et la Russie a déjà, au cours de ce conflit, testé un certain type d'armes qui démontre qu'aujourd'hui, il faut réfléchir par plus d'une fois avant de s'attaquer aux intérêts vitaux de la Russie. Et bien, quand on a suivi la presse européenne et celle américaine tout au long de la semaine, elle faisait état de ce que la Russie a pris sur elle de s'auto-bombarder pour essayer de justifier l'action à venir. Comment est-ce qu'on répond véritablement à cette analyse? Mais vous répondez à ce que j'appelle de la propagande idiote, parce que même quand on fait de la propagande, on peut faire de la propagande sage. On peut faire une forme de propagande sage. Mais où est l'intérêt? Parce que souvent, quand il y a un problème, on pose qui a intérêt à la faire. Monsieur Poutine, lui, il a intérêt à s'auto-bombarder, lui. Il faut être sérieux. Ils sont allés plus loin. Ils ont expliqué que c'est un drone qui est parti de Kiev, qui a fait 3000 km pour démontrer que la défense aérienne russe, le drone n'a pas fait 40 secondes. Il est parti d'un domicile de Moscou. D'un domicile de Moscou. Et il a fait à peine 35 secondes qu'il n'existait plus. Et c'est là où il faut mettre en garde. Parce que... Mais est-ce que finalement, il n'est pas clair que la menace est beaucoup plus proche aujourd'hui, puisque le drone serait quitté finalement de la Russie? C'est des questions. Et c'est pour ça que nous questionnons un certain type de personnes, d'infiltrés, des services de renseignement et des services secrets, même américains. Pourquoi? Parce que c'est un drone qui en fait... c'est un drone modifié. C'est un drone d'observation qui serait devenu plus ou moins un drone militaire. Il a été détruit. Donc, on n'a pas l'architecture et la technologie du drone, de ce qu'il comportait. Mais à partir du moment qu'il prend la direction du Kremlin, on peut comprendre immédiatement ce qui avait intérêt à amener un drone au-dessus du Kremlin et les objectifs qui les guidaient. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'un petit drone de fabrication, je veux dire simple, pouvait attenter à la vie de quelqu'un comme M. Poutine. M. Poutine, c'est quelqu'un de sérieux, de sécurisé. Son pays, c'est la première puissance nucléaire du monde. Pour avoir étudié un peu l'atome, je peux confirmer que, vraiment, même Washington peut brailler de New York ou de Washington DC, mais aucun président américain pourrait assumer politiquement une attaque militaire vis-à-vis des intérêts fondamentaux de la Russie. Donc, ceux qui se laissent aller dans un discours de M. Biden, aucun, personne ne peut, personne ne peut. D'ailleurs, très vite, M. Xi Jinping passera un coup de téléphone à ce président. La quasi-totalité des présidents des pays détenteurs de l'arme nucléaire dirait à ce président que tes États-Unis même seraient rayés de la carte. C'est-à-dire que si tu t'engages, toi, à vouloir attaquer frontalement les intérêts vitaux d'un pays comme la Russie, sache que tu assumes la désintégration des États-Unis et peut-être même la disparition des États-Unis. Il faut faire attention. Donc, à partir de là, nous avons droit à cette propagande. Je vous donne une deuxième propagande qui va donner un peu de semblant de fantasme de certains. Vous n'entendez pas parler d'une contre-offensive qui est à venir. On ne vous explique pas que nous sommes prêts, nous n'attendons que le lieu, le signal, c'est décidé. Vous allez voir ce que vous allez voir. Poutine tremble de peur. Dans 3-4 semaines, on aura bouté la Russie hors des frontières d'avant février 2023 et on menacera d'aller chercher Poutine qu'on mettra dans un tribunal pénal. Et vous n'attendez pas parler de contre-offensive. Contre-offensive avec quoi? Avec qui? Avec quel matériel? Avec quel matériel? Ils en sont à voter 1 milliard d'euros pour demander aux pays européens de relancer des vieilles usines archaïques pour la production de missiles. 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 27 pays qui se disent être de puissances économiques et de pays forts votent à la limite 1 milliard d'euros. Et Washington d'expliquer que M. Poutine consomme ma production de missiles sur une année en un mois. Donc vous voyez donc que c'est extrêmement compliqué. Ben ils ne veulent pas dire. Ça c'est pour amuser la galerie parce qu'aucun pays ne se reconnaît dans le financement de 1 milliard d'euros. D'ailleurs, c'est une annonce qu'on peut dire une annonce fausse, une annonce factice, une annonce comment on peut dire grandeur et misère. Vous savez qu'aujourd'hui en Europe, il y a un discours qui tend à flatter l'ego des Européens pour dire qu'on ne veut plus rien. Mais on vaut quand même encore. On vaut encore sans plus rien valoir. Donc, c'est-à-dire que dans un embrouille de ce genre, de tenir un discours aux Européens en leur faisant croire, même ne serait-ce qu'en France, que la France est une grande puissance. Quand M. Macron va s'exprimer, attendez la position de M. Macron. Mais M. Macron ne peut même pas parler en Afghanistan. M. Macron ne peut pas regarder le patriarche Biya dans les yeux et parler. Il était ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a dit de bon? Il est devenu interprète du discours présidentiel. Monsieur Biana fait de lui aussi un interprète du discours présidentiel. Vous n'avez pas vu ça? Donc c'est ça, c'est de ça que tient un cadre d'une contre-offensive qui n'existera jamais. L'OTAN n'a pas ses moyens. D'ailleurs, l'OTAN dit nous avons beaucoup donné. Tant donné. Et le fait de vouloir pas assumer la défaite à Bakhmout, on ne veut pas dire que Bakhmout est pris de. Pour moi, monsieur, Bakhmout est pris depuis 4 mois. Mieux. L'OTAN a été battu par Wagner. C'est ça qui fait le plus mal en Europe. C'est ça qui fait le plus. Et de dire que, mais, si Wagner bat l'OTAN, les Africains risquent de plus nous respecter. Les accords de coopération militaire. Mais les Africains risquent de se dire que, mais, autant aller donc dans des alliances, aller dans une alliance stratégique avec Wagner. Parce que s'il faille que Wagner. Cette milice, on dit oui, c'est un ramassis de prisonniers, de condamnés à mort et de voyous. Cette armée, batte l'armée, soi-disant le plus grand regroupement stratégico-militaire, dont on se dit qui a le plus grand nombre de concentrations en termes d'armement stratégique et d'armement nucléaire, battu par ce que eux, ils appellent être une milice. Mais moi, M. Tatinda, je m'interroge, je me dis, mais Wagner est le bienvenu. Parce que nous, en Afrique, nous avons besoin, au-delà de nous, de développer des capacités, comment je peux dire, de défense propre, interne, à notre continent, pour défendre avec des enfants africains. Avec des enfants africains, parce que je fais partie de ceux qui pensent que même dans une alliance stratégique avec la Russie, c'est des enfants africains qui défendront l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Donc, comme le disait le président du Burkina Faso, nous devons changer même de concept de recrutement dans nos armées. Cette histoire de dire qu'il faut intégrer dans l'armée des enfants qui ont minimum le BPC parce qu'ils savent écrire en français, savoir écrire en français ne fait pas un bon combattant, ne fait pas d'un enfant africain un bon soldat. Qu'on prenne des enfants déterminés qui aiment l'Afrique, qu'ils parlent que le Bambara. Pourquoi parler le Bambara ne fait pas d'un enfant africain un militaire solide? S'il parle que le Bassa, il ne sait pas parler français. Pourquoi ça ne fait pas de lui un soldat fort, brillant, robuste sur le terrain. Donc vous voyez même que les concepts et les critères de recrutement dans nos armées ont été imposés et sont des concepts de recrutement colonial, imposés soi-disant par la France que pour être un bon officier, il faut avoir fait un tour à Saint-Cyr. Mais regardez l'architecture des officiers qui ont fait des coups d'État, qui ont participé à la déstabilisation de l'Afrique. La quasi-totalité ont fait des stages de perfectionnement en Saint-Cyr, sont des diplômés de Saint-Cyr. Pourquoi leurs collègues blancs, pourquoi ils ne font pas de coup d'État en Europe? Vous savez qu'il y a des forces politiques qui en appellent en France. Il y a des forces politiques en apprennent qui en appellent à l'armée, à faire tomber le régime de M. Macron. J'ai suivi. En France là. Comme pour vous dire que le professeur, mon aîné, Belekela, il avait dit sur ce plateau, et je suis d'accord avec lui, qu'il y a de bons coups d'État. Nous n'en appelons pas au coup d'État, professeur, ne me prenez pas pour... Mais quand on constate qu'il y a coup d'État, moi, Bertrand Tatinda, j'analyse. Et je vois qui fait le coup d'État, pourquoi il fait le coup d'État. Eh oui. Et quand je vois qu'il fait le coup d'État pour élever, comment je vais dire que, libérer le pays, apporter, comment je peux dire, de la richesse dans le pays, donner de la souveraineté au pays. Moi, monsieur Tatinda, qui suis-je pour condamner le coup d'État? Qui suis-je pour condamner ce coup d'État? Et comme je vous ai dit aussi ici, sur ce plateau, il y a des bons terroristes et des mauvais terroristes. Oumniobé était considéré par eux comme un terroriste. Pour moi, c'est lui qui a fondé mon engagement politique et c'est lui qui fonde. S'il faille reprendre leurs mots idiots et dire que Oumniobé était un terroriste, c'est un excellent terroriste, Oumniobé. Un excellent. Si le Cameroun avait eu des terroristes comme Oumniobé et le pouvoir avait été géré par des terroristes comme Oumniobé, bien sûr, entre guillemets, eh bien, ce pays se serait élevé. D'accord. On n'aurait pas des plans triennaux avec le Fonds monétaire international qui fait que, eh bien, on en est à des ajustements structurels qui durent 20 ans. 30 ans, on n'en sort pas. On n'en sort pas, professeur. Jusqu'à maintenant, on est sous ajustement structurel. Merci, merci à vous. Donc, la propagande européenne nous fait rire et tout. Bakhmout est pris. Les objectifs sont pratiquement atteints. Poutine, pour se donner ce qu'on appelle une zone de confiance, va davantage étendre, lui, par contre, une véritable offensive. L'OTAN n'était qu'un regroupement pour intimider. Cette guerre ukrainienne nous démontre que c'était plus le bruit qu'autre chose. Voilà. Merci, merci infiniment à vous. Et le troisième, professeur Jean-Paul Bellet, qui est à nos côtés, égyptologue, astrophysicien. J'espère que je ne restreins pas vos champs d'action, analyste politique. Bonsoir, bienvenue, prof. C'est le contraire. Bonjour. Donc, bonjour à mes copains. Hein, donc, Vincent Tatinda, professeur Basileki, ensuite tu vas présenter après, hein, parce que son nom, on connaît. Et à tous les téléspectateurs, évidemment, à l'équipe technique. Mais tu en as dit trop, c'est-à-dire que je ne suis pas égyptologue. L'Égypte, je connais bien, parce que j'ai fait des études classiques en latin. Donc, de la même façon, je ne pourrais pas ne pas faire étudier l'Égyptien ancien et la culture égyptienne. Donc, je connais. Je sais lire, écrire les hiéroglyphes, je connais l'histoire, la culture égyptienne qui s'identifie à la mienne, à celle de la nôtre, quoi, en tant qu'Africain noir, on verra le sujet. Tout à fait. Voilà, n'en déplaise à d'autres, voilà, nous savons, ça fait écho en nous. Donc je ne vais pas me dire, je n'ai pas les titres académiques d'égyptologue, je ne suis pas fatigué pour ça, d'autres l'ont fait à ma place, mais je suis assez qualifié pour traiter de ces problèmes, de ces questions qui ne sont pas étrangers. Merci à vous et on vous accueille rapidement, prof, avec donc ce fait d'actualité pour beaucoup. On a suivi Papa Basilikien tout à l'heure qui pense que Vladimir Poutine ne va pas franchir cette ligne rouge qui déclencherait, et là on est d'avis avec Bertrand Tatinda, qui déclencherait la déchéance à tout point de vue des États-Unis, sauf que il y a l'intégrité de son pays qui est véritablement menacé. La théorie du complot telle que visée notamment par la presse occidentale ne passe pas. Il y a une véritable menace aujourd'hui qui pèse contre le Kremlin. Les ennemis peut-être sont il y a des pressions qui peuvent venir de l'intérieur pour fragiliser, tenter de fragiliser davantage le régime de Moscou. Quoi qu'il en soit, Poutine devra se défendre. Maintenant la question est avec elle. Très bien. D'abord, pour l'Occident, l'OTAN en particulier, je crois qu'il se trompe beaucoup parce que Poutine est peut-être un des plus modérés, justement, du régime russe, comme tu l'appelles. Hein. C'est peut-être celui avec qui on peut discuter. Parce que si par malheur, il s'en prenait à Vladimir Poutine et qu'il n'était plus là, le successeur peut être encore plus méchant vis-à-vis de l'Occident, je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut être plus intransigeant.

Afrique Média. Le monde, c'est nous.